vent dans mon cœur. Où je suis née et où j'ai connu tant de bonheur. Malgré les ans, je ne puis oublier mon village. Tous ceux qui partent reviennent tôt ou tard. Ma vie traverse des quatre chemins dont la cloche sonnait pour les joies, les chagrins. Qui sonnait pour la peur du amour. Je ne puis oublier mon village.